Quand on accueille 5 nouvelles pièces, on doit aussi dire au revoir à 5 autres. Voici Palmer, Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les extraits des pièces qui ont quitté les Palmarès C'est fou depuis la précédente édition. Il ne reste plus rien dans le ciel en morceaux. On va se parler de la météo. Qui ont quitté les Palmarès C'est fou depuis l'édition du 23 juin au 6 juillet 2014. Pour ceux qui comprennent pas trop, parce que là, on est rendu comme à la mi-août. On est le 14 août en direct, ou en tout cas la semaine du 11 août pour les autres. On a pris du retard parce qu'il y avait un mois où il n'y avait pas de palmarès pendant le mois de juillet. Donc, on reprend ce temps perdu-là pour l'instant en écoutant les palmarès de la période du 7 juillet au 3 août. D'accord? Et la semaine prochaine, on reviendra dans le présent. Donc, ça veut dire qu'on a regardé, écouté des extraits des pièces qui nous ont quittés pendant la semaine du 23 juin et la période du 23 juin au 6 juillet. Donc, dans l'ordre, Philippe B. et Ornithologie qui a duré 7 semaines. Ensuite, Doug Wave et Crow-Crow, ou Coco, qui a duré 6 semaines. Alexandre Desilets et Fancy Ghetto qui a duré 7. Et Tough Mitz avec Crust and Crumbs aussi 7 semaines. Même chose pour Sleeper Agent et Be Brave. Sleeper Agent qui est le seul du groupe à être de retour avec la pièce Waves en 20e position anglophone. Voilà pour Palmer Rest in Peace, 5 pièces qui nous quittent, des gros morceaux comme toujours.